le couple royal. Après les ouvriers et les soldats ou amazones, nous rencontrons le roi et la reine. Ce couple mélancolique, à perpétuité confiné dans une cellule oblongue, est exclusivement chargé de la reproduction. Le roi, sorte de prince consort, est minable, petit, chétif, timide, furtif, toujours caché sous la reine. Cette reine présente la plus monstrueuse hypertrophie abdominale que l'on trouve dans le monde des insectes, où cependant la nature n'est pas avare de monstruosité. Elle n'est qu'un gigantesque ventre gonflé d'œufs à en crever. Absolument comparable à un boudin blanc, d'où émergent à peine une tête et un corselet minuscules, pareils à un bout d'épingle noir fiché dans un saucisson de mie de pain. D'après une planche du rapport scientifique de Y. Swashdet, la reine du Termes natalensis, reproduite en grandeur naturelle, a une longueur de 100 mm et une circonférence uniforme de 77 mm, alors que l'ouvrier de la même espèce n'a que 7 ou 8 mm de long et 4 ou 5 mm de tour. N'ayant d'insignifiantes petites pattes qu'au corselet noyé dans la graisse, la reine est absolument incapable du moindre mouvement. Elle pond en moyenne un œuf par seconde, c'est-à-dire plus de 86 000 en 24 heures et 30 millions par an. Si nous nous en tenons à l'estimation plus modérée d'Esrich, qui chez le Termes bellicosus évalue à 30 000 par jour le nombre d'œufs expulsés par une reine adulte, nous arrivons à 10 950 000 œufs par an. Autant qu'on a pu l'observer, il ne semble pas que de jour ou de nuit, durant les 4 ou 5 ans de sa vie, elle puisse interrompre sa ponte. Des circonstances exceptionnelles ont permis à l'éminent entomologiste K. Esrich de violer un jour, sans le troubler, le secret de ses appartements royaux. Il en a pris un croquis schématique hallucinant, comme un cauchemar d'Odilon Redon ou une vision interplanétaire de William Blake. Sous une voûte ténébreuse, basse et colossale si on la compare à la taille normale de l'insecte, l'emplissant presque tout entière, s'allonge, comme une baleine entourée de crevettes, l'énorme masse grasse, molle, inerte et blanchâtre de l'effroyable idole. Des milliers d'adorateurs la caressent et la lèchent sans arrêt, mais non point sans intérêt, car l'exsudation royale paraît avoir un attrait tel que les petits soldats de la garde ont fort à faire d'empêcher les plus ailés d'emporter quelques morceaux de la divine peau afin d'assouvir leur amour ou leur appétit. Aussi les vieilles reines sont-elles cousues de glorieuses cicatrices et semblent rapiécées. Autour de la bouche insatiable s'empressent des centaines d'ouvriers minuscules qui lui entonnent la bouillie privilégiée pendant qu'à l'autre bout, une autre foule environne l'orifice de l'oviducte, recueille, lave et emporte les œufs à mesure qu'ils s'écoulent. Parmi ces multitudes affairées, circulent de petits soldats qui y maintiennent l'ordre et, encerclant le sanctuaire, lui tournant le dos, face à l'ennemi possible et rangés en bon ordre, des guerriers de grande taille, mandibules ouvertes, forment une garde immobile et menaçante. Dès que sa fécondité diminue, probablement sur l'ordre de ses contrôleurs ou de ses conseillers inconnus dont nous retrouvons partout l'implacable ingérence, on la prive de toute nourriture. Elle meurt de faim. C'est une sorte de régicide passif et très pratique dont nul n'est personnellement responsable. On dévore ses restes avec plaisir, car elle est extrêmement grasse, et on la remplace par une des pondeuses supplémentaires que nous retrouverons bientôt. Au contraire de ce qu'on avait cru jusqu'ici, l'union ne s'accomplit pas comme chez les abeilles durant le vol nuptial, car au moment de ce vol, les sexes ne sont pas encore aptes à la reproduction. L'hymen ne se fait qu'après que le couple qui s'est, étrange symbole sur lequel on pourrait longuement épiloguer, mutuellement arraché les ailes, s'est mis en ménage dans les ténèbres de la termitière qu'il ne quittera qu'à la mort. Les termitologues ne s'accordent point sur la manière dont se consomme cet hymen. Filippo Silvestri, grande autorité en la matière, soutient que la copulation, d'après la conformation des organes du roi et de la reine, est physiquement impossible, et que le roi se contente de répandre sa semence sur les œufs à la sortie de l'oviducte. D'après Grassi, non moins compétent, l'union aurait lieu dans le nid et se répéterait périodiquement.